Chapitre 17e. Le garde républicain. Le garde, au lieu de tordre le pli, pour toute réponse à la question du général, répondit en abaissant la main droite qu'il tenait à la visière de son chapeau. « Ce que c'est, général, c'est moi. » Le général et aussi sursautèrent. « Moi, Paulin Broquet. » Et le détective ajouta. « Votre maison est fort bien surveillée par les amis du prince Grigoriski. » Et il est impossible de pénétrer ici sans être dévisagé. J'ai dû, pour passer, prendre cet uniforme, qui me rend, vous en convenez, sinon invisible, du moins absolument méconnaissable. Le général souriait maintenant, rassuré. Mon cher Paulin Broquet, vous êtes étonnant. Paulin Broquet reprit. Vous m'avez demandé, général, de venir. Vous avez à me faire connaître ce qui s'est passé cette nuit chez vous. Bien, c'est très intéressant. Mais auparavant, il faut que nous accomplissions quelques petits changements. Me voici dans la place sans que les compagnons, les aides, s'en soient aperçus. « Les aides ? » s'écria le général. « Vous dites les aides ? Pardon. Une habitude de désigner ainsi toutes les bandes de malfaiteurs. C'est ainsi que s'appellent les hommes de Zigomar ? C'est vrai, général, mais Zigomar n'existe plus. La bande est dissoute. » Le général, après un court silence, demanda à Paulin Broquet. « Que voulez-vous faire, alors ?»« Je suis entré chez vous, je ne dois pas y demeurer. Il faut que j'en sorte au plus vite. »« Mais alors, comment pourrais-je vous mettre au courant ?»« Permettez, général. Le garde républicain peut sortir de chez vous sans que ce soit moi. Je ne comprends pas. Vous allez saisir immédiatement. » Se tournant vers Ossip, « Vous savez naturellement bien monter à cheval, » lui demanda-t-il. « Très bien, je suis cosaque. Parfait. Alors vous allez revêtir mon uniforme. Moi ?» s'écria Ossip, et me donnez votre vêtement, celui que vous portez là. Vite, vite, dépêchons-nous. » Comme Ossip hésitait, ne comprenant pas, le général se mit à crier en lui donnant toutes sortes d'épithètes peu flatteuses. Paulin Broquet aida le malheureux intendant à se déshabiller, là, dans la salle des armures, de crainte que les murs d'une autre salle n'eussent des yeux ou des oreilles. Puis, il se déshabilla à son tour, et aida aussi par revêtir son uniforme qui lui allait suffisamment bien. Il lui arrangea la figure, lui colla la forte moustache qui triomphait, superbe, entre les branches de la jugulaire. Lui-même, avec des postiches qu'il avait apportés, se fit la tête de l'intendant. Il était à ce point ressemblant que le général, en riant, lui dit « Monsieur Paulin Broquet, vous êtes si vrai que vous m'excuserez si je me trompe en vous voyant, et si je vous envoie quelques amabilités ou quelques projectiles par la tête, vous prenant pour cet animal-là. » Paulin Broquet dit ensuite à Ossip, « Voici ce que maintenant vous devez faire. Vous allez monter à cheval, puis descendre dans la rue de Grenelle. À la fin, comme par hasard, vous allez rencontrer un autre garde républicain, l'un de vos amis de caserne qui vous dira « Beau temps, hein, aujourd'hui ? » Alors, vous le suivrez. Vous n'avez pas autre chose à faire. Pas difficile, cela ? « Seras-tu capable de le faire sans erreur ?» demanda le général. « Nous verrons ça. » Peu après, Ossip, en garde républicain, conduit par Paulin Broquet en Ossip, gagnait la cour, puis sortit de l'hôtel, et sans que les domestiques, huissiers et autres eussent pu s'apercevoir de la supercherie, il sautait à cheval et descendait la rue de Grenelle, au bout de laquelle il rencontra en effet un autre garde qui lui dit « Beau temps, hein, aujourd'hui ?» Ossip, en somme beaucoup moins bête que le général ne se plaisait à le proclamer, répondit quelques paroles banales à son compagnon et le suivit tranquillement.